sombre. Et cette nuit, dans ce lit, tu es si jolie. Nanana, pirababa, paraba. Les extraterrestres. La soupe. Allez, envoie quelque chose alors. Piano, ça. J'ai le vrai, celui-là. Ils ont bien imité, celui-là. Eh bien, chers frères, nous sommes réunis ce soir pour parler de l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est une botte. Amen et tous, amen, amen et tous, amen. Maintenant, nous allons lire la Bible.